spécialité condiment. Emballé sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Bienvenue à l'émission Les bouquins d'abord. Bienvenue, 21 avril, lundi de Pâques, on revient lentement de congé. Moi, je suis très entourée. De gars? Pour une fois? Ben non, c'est déjà vu. Mais ici, c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Mais en tout cas, j'ai 4 personnes avec moi. Patrick Dano, invité de la journée, bienvenue bonsoir, à l'émission. Merci de m'inviter. Tu viens nous parler avec René Bolduc. Salut René. Salut. De Philippe Kerr, qu'on a lu tous les trois, qu'on a lu, relu, on va vous en parler. On va faire un mini spécial d'au moins 20 minutes. Il y a aussi un nouveau membre de salut. L'équipe, Daniel Grenier. Salut. Salut, salut. Merci de nous recevoir. Ah non, ça me fait vraiment plaisir. Je vais te présenter un peu, un peu plus longtemps tantôt. C'est une prise de Gilles Chomel. Salut Gilles. Recruté. Qui est allé au Salon du Livre. Il n'est pas revenu avec un livre, mais avec un chroniqueur. Avec un auteur. Ça fait très plaisir. On va écouter un peu de musique et on revient tout de suite avec Patrick et René et Philippe Kerr. Écoutez toujours les bouquins d'abord avec Perle Reinke. Et on se lance tout de suite dans le Philippe Kerr. Bon, Patrick, René, qui de vous deux on va y aller? Qui est Philippe Kerr? Ensemble avec Patrick. Mais il y a beaucoup d'amis de Philippe Kerr ici à CKRL. Oui. Moi, je peux faire un témoignage. Une fois, je me promenais sur la rue Saint-Joseph, je vois le titre d'un livre, La mort, entre autres. Hein. Je trouvais ça intéressant. J'ai dit, c'est quoi ça? Puis on me dit, ben non, tu commences pas avec ça. C'est le 4e tome de Philippe Kerr. Faut que tu commences avec la trilogie berlinoise. Bon, mais là, je vais peut-être un petit peu trop vite, mais c'est un auteur... d'origine écossaise, ouais. Qui vit à Londres. Britannique. Oui. Et qui connaît l'Allemagne comme le fond de sa poche. C'est impressionnant. Des Allemands. Oui. Tout à fait. Oui. Oui. Oui, venant d'une Allemande, c'est un complément. C'est sûr qu'il est connu pour une série de romans. Évidemment, c'est ça le propos du jour. Là. Une série de romans avec son personnage principal, le détective Bernard Gunther. Mais il a écrit aussi d'autres choses. Hein. Il a écrit pour la jeunesse. J'ai une note ici. Mais il a écrit aussi des romans qui ne s'inscrivent pas dans la série. De ces romans-là, policiers sous l'Allemagne, avant l'Allemagne nazie, ouais. Pendant et après. Des romans historiques, hein, aussi, comme La paix des dupes, on pourra en parler tantôt, mais fascinant. Ouais. Il réécrit l'histoire d'une certaine manière. Ouais. Donc, Ça reste quand même... Moi, j'ai l'impression qu'il reste toujours dans le polar. Moi, j'ai lu pour ce soir Impact, qui parle des rapports de Kennedy et de la mafia. Et là encore, ça reste quand même du policier, d'une certaine manière. C'est ça... C'est l'impression que j'ai, c'est du roman historique, mais il utilise la forme polar pour atteindre un plus grand public. Mais ce qu'il dort, cet homme-là, il est très prolifique. Sans doute. Et quand on termine chacun de ses romans, il y a tout un appareil de notes. Hein, donc, autrement dit, chaque chose qu'il a avancée dans son roman est prouvée, démontrée, supportée là, par des sources. Donc, non seulement c'est un bon écrivain, donc hein, très, très prolifique, mais c'est un grand lecteur aussi, manifestement. Là. Ah oui, comme tu dis, Patrick, il y a évidemment le personnage principal, le détective, est un personnage fictif, mais tout ça sur un arrière-plan historique qui ajoute, en tout cas, personnellement, moi, c'est ce que je trouve très intéressant. C'est très bien documenté, en tout cas. On apprend beaucoup sur l'histoire. Et puis, mais bon, c'est un personnage évidemment fictif, celui de Bernard Gunther. Mais probable. Fictif, probable. Mais très probable. Ouais. Moi, c'est ça ce qui m'a attiré, parce que quand tu es revenu, tu viens de raconter l'anecdote, tu reviens, La mort entre autres, nanana, je te dis oui, il faut lire la trilogie berlinoise, et on l'a. Bon. Tu sais, et c'est ça, dans la trilogie berlinoise, il met en place ce personnage-là. Oui. Il faut savoir aussi que c'est quand même pas évident. On est dans un pays où règne le nazisme, et malgré tout, il peut y avoir des crimes qui sont commis, des meurtres qui sont pas nécessairement un soldat tuant un autre soldat, mais il peut y avoir des crimes au quotidien. Et là, c'est dans cet univers-là que Bernard Gunther, ou Bernie pour les intimes, doit enquêter envers et contre tout. Donc, on est dans une atmosphère terrible, glauque. De paranoïa aussi, hein? De paranoïa. Oui. C'est la guerre, mais parfois, il peut y avoir un soldat, un nazi tuant un autre nazi, ou... Bon, ce genre de... Tueur en série, femme... Violeur, absolument, tout violeur, à fait. Oui. Parce qu'il y a tous ces cas-là, on les retrouve dans cette série-là. Et c'est un enchevêtre roman assez complexe, parce que quand on lit tous les romans de Bernie Gunther, il ne faut pas penser que c'est bêtement chronologique. Là. Oui. C'est jongle avec le temps. Donc, on passe de 1932 à 1954, on revient ensuite à 1938, ensuite on est en 1942. C'est très complexe, hein? J'ai quelques titres ici. Au début, ça a été écrit en anglais dans les 1989, 90, 91. Et si je me trompe pas, la trilogie est sortie en 2008 en français, une réédition. C'est 1242 pages en tout que j'ai lu au complet. Ça se lit comme un char. Oui. Alors, comme un roman. Le premier tome, c'est L'été de cristal. C'est en 1936. Hein, c'est l'époque des Jeux olympiques de Berlin. Alors là, et c'est sur tous les travers, évidemment, là, évidemment, on a lu beaucoup, Patrick et moi, de ces romans-là, tout les détails nous échappent un petit peu, puis j'avais relevé, il y a des vols de bijoux, bon, ensuite, il y a, qu'est-ce qu'il y a dans La pâle figure, des jeunes filles qui sont assassinées, il y a un Requiem allemand, c'est après la guerre, il est emprisonné en Russie, il parle russe, tout à coup, il se met à parler russe, Bernard Gunther. Il a envie des vertes et des pas mûres. Hein? Ah, c'est impressionnant. James Bond à côté, là, c'est quasiment la petite bière. Là, hein? Tout à fait. Faut le dire, hein, je pense c'est important, il n'est pas un nazi. Et lui-même se définit comme étant un opposant au nazi. Enfin, opposant au régime. Mais il est SS. Oui, voilà, donc il n'y aura pas le choix. Donc il va être enrôlé en 41, hein, donc sur le front de l'Est, si ma mémoire est bonne. Il va y aller aussi, il n'y a pas le choix. Aller, c'est ça, il avoue même avoir commis des crimes. Ouais. Oui. Donc, mais parce qu'il n'y avait pas le choix. Et aussi sur le front, il a dit, ben des fois, on n'a pas le choix aussi, hein, donc d'être dur. Mais... Ça va le dégoûter. Tout à fait, ça va le dégoûte, mais il déteste les nazis, il le dit bien. Oui. Mais en même temps, le pire, c'est qu'il fréquente tout l'intelligentsia, hein. Göring, si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Il va être très souvent avec Heydrich, qui est un des pires personnages de l'histoire, on s'entend, là. Ouais. Donc, alors, il est obligé de travailler pour ces gens-là. Il les fréquente. Nebe aussi. Oui, Nebe. Qui était le chef de la police berlinoise au début des années 30 et qui lui-même était reconnu pour être critique du système. Il n'a pas survécu à Non, c'est ça. Et si je ne me trompe pas, Une douce flamme, est-ce que c'est le roman qui... joue en Argentine. Qui joue en Argentine. Ah, ouais. Alors là, il n'y a pas le choix. Il fréquente un fameux Ricardo Clemente. Oui. Mais ça, c'est un pseudonyme, alias Adolf Eichmann. Eichmann, le responsable de la solution finale. Ouais, et ça, c'est dans le roman Douce Flamme. Et à mon avis, le meilleur. Oui, il faut comprendre qu'il n'a pas le choix parce que, vu qu'il est tatoué comme SS, à un moment donné, il n'a pas le choix de quitter l'Allemagne et de suivre le chemin de toutes les nazis. Donc, il se ramasse en Amérique du Sud. Et avec ça, on rentre vraiment dans des faits avéré. Oui, puis on en apprend beaucoup sur ces réseaux clandestins, hein, qui ont amené donc beaucoup de nazis d'Allemagne et d'Autriche vers l'Amérique du Sud. Et comment ces gens-là aidés par l'Église catholique. Et comment ces gens-là ont été incorporés, hein, donc dans des régimes de terreur en Amérique du Sud, là, d'extrême droite, là. Vraiment intéressant. Oui. Je voulais savoir, ça m'intéresse ce que vous racontez, puis je me demandais, est-ce que au fil de la lecture, est-ce qu'il reste une figure tout à fait positive pour le lecteur ou ça devient de plus en plus trouble? Oh. Bernie est Et Bernie reste un personnage attachant. Oui. Oui. Parce qu'il, justement, il... Il est dur, il est brutal, mais... Il est conscient. Il est conscient de ses crimes. Il est conscient. Il en parle. Il s'en cache pas. Parce que tous les autres nazis sont tout le temps en train de nier tout. Croit. On le croit quand il dit qu'il déteste les nazis. Tout qu'il, à fait. Qu'il a fait son gré et tout. Oui. C'est... Dès le départ, surtout les trois premiers tomes le mettent bien en place où tu sens à quel point il est écœuré. Et d'ailleurs, il y a même des cas où il doit quitter la police. Et il devient détective privé. Il travaille dans un hôtel aussi, c'est ça? Hôtel Adlon. C'est après la guerre. Mais parce que justement, c'est connu qu'il n'est pas tout à fait du bord des nazis. Mais pour répondre très précisément à la question de Daniel, dans Une douce flamme en Amérique du Sud, il poursuit des criminels nazis. Oui. Alors, c'est pas quelqu'un qui est, comment dire, il est ambigu. Évidemment, pendant la guerre, il ne s'oppose pas ouvertement, ce qui serait signer son arrêt de mort. Mais en même temps, on lit ses pensées, parfois des conversations avec d'autres, et c'est très clair que ces gens-là, il ne les a pas en admiration. Hein. Mais en même temps, sa vie est très complexe parce que il est suspecté par tout le monde. Oui. Par les Américains, enfin pour les Américains, il est un nazi. Pour les Russes, il est un SS. Pour les Allemands, il est un collaborateur donc américain. Écoutez, donc. Non, pas encore. Non, en mais effet. Il se retrouve à un moment donné en Palestine. Il n'est jamais en paix avec les autorités avant, pendant et après la guerre. Ni avec lui-même. Et ça fait un personnage assez classique de Paul Arthur. Sa vie amoureuse, ça. Elle est terrible parce que toutes ses amoureuses, soit... Ou bien elles meurent, ou elles se font assassiner ou torturer. Oui, il y a une épouse qui est décédée, là. C'est ça. Assez jeune, évidemment. Exactement, ça, c'est... à Munich, en 38 de mémoire, là. C'est ça, là. C'est ça. Mais sinon. Même avant, je mais pense. Mais sinon, ces conquêtes amoureuses finissent bien mal, hein. Oui, parce qu'on vient de lire Prague fatale. Là aussi, c'est. Oui, est-ce que vous avez le goût d'en parler un petit peu de ce dernier tome? Parce qu'évidemment, tous ceux qui nous écoutent, qui connaissent Philippe Kerr, sont en terrain. Connu, mais là, ce tome-là, qui évidemment n'est pas chronologique, on retourne en temps de guerre. On retourne en 41-42. D'abord, ça commence avec 42, l'assassinat de Heydrich. Comment décrire ce personnage-là? Donc, Heydrich est un espèce de. Là, on est à. Prague, hein, d'où le titre, Prague fatale. Mais comme tu dis, Patrick, c'est un de ces penseurs nazis, bon, très, très, très haut placés. Ça commence avec ce meurtre. Et ensuite, il y a un petit flashback. On est en 41 à Berlin. Et là, tout à coup, je vais un petit peu rapidement. Il y a une femme qui se fait agresser. Tout à coup, Bernard Gunther intervient. Voilà. Et là, il y a aussi un travailleur étranger hollandais. Un petit hello à notre metteur en scène. Oui, assassiné. Ah, c'est moins drôle. Je n'ai pas dit que le metteur en onde était un assassiné, mais je voulais faire. Non, là, je viens de manquer un lien. Là. Excuse-moi. Bref, la Hollande est quand même présente dans le dernier tome de Prague fatale. Et puis, bon, mais là, est-ce que c'est un espion tchèque qui a assassiné ce travailleur-là hollandais? Toujours est-il qu'il va, bon, il va se mettre à enquêter, là, il va être convoqué par Heydrich à Prague pour enquêter, attendez un petit peu là, sur un meurtre, évidemment, commis dans un château, d'ailleurs. Qui est la propriété de Heydrich, c'est ça? Oui, mais qui a été subtilisé à une famille riche, juive. Non, comme tout ce que les nazis possèdent, et ça n'a pas été acheté. Et tout le gratin nazi se retrouve là. Ouais. Et là, il y a un coupable. Ah, oui. Et pourquoi on demande à Bernie Gunther? Ben, parce que Heydrich sait que lui, il n'est pas corruptible. Donc, il sera le seul à lui dire la vérité, même s'il n'aime pas cette vérité-là. Et là, il va interroger là, des hauts responsables nazis, mais qui ne sont pas du tout habitués de se faire parler sur ce ton-là. C'est un petit policier de la Kripo, le criminal polizei. Voilà. Donc, c'est un petit policier. Et là, c'est tout le gratin. Ils sont suffisants, méprisants. Et probablement qu'ils vont quand même souligner qu'il a déjà été exclu de la Kriminalpolizei et qu'il est retourné. Toutes les menaces y sont, mais il est protégé par Heydrich et ça suffit. Tout le monde craint Heydrich, hein, manifestement. Okay. Oui. Et justement, cette femme-là qui l'a aidé, qui s'est fait agresser finalement bon, dans la rue, etc., eh bien... elle dit « Ah, mais tu vas à Prague, etc. Je vais y aller avec toi aussi. » Parce que mon frère est là. Parce son frère est là, etc. Elle a quelques raisons qu'elle avance comme ça. Puis elle travaille au Jockey Bar. Et ça, j'ai vérifié sur Internet. Il l'a pas mis à la fin de son livre, mais c'est un bar qui vraiment existait vraiment. Puis tout le même américain. D'ailleurs, j'étais assez étonné d'apprendre qu'encore en 1941, il y avait une présence américaine à Berlin. Et dans ce bar-là, Jockey Bar, qui existe toujours à Berlin aujourd'hui, il y avait Marlene Dietrich, même si elle avait déjà quitté Berlin. Mais... C'est un bar qui a joué un grand rôle dans un très grand roman contre le fascisme qui est paru dans les années 50 c'est devenu un film où là t'as la même histoire qui est racontée de quatre points de vue là, c'est un très très il n'a pas été traduit, mais ça s'appelle « Sur la plage verte, la Spree », qui est le fleuve qui traverse qui coule, à Berlin. Ouais, et le Jockey Bar, effectivement, a existé très longtemps. Ouais. Et là, il y a dans ce château en question, là, à Prague, ou dans les environs de Prague, il y a aux pages 213-215, on a toute la liste des suspects, tous des personnages réels. Tout à fait. Hein, historiques. SS Gruppenführer, Konrad Henlein, SS, tous des groupes, SS Brigadeführer, sont tous là nommés, le personnel, etc. Et en connaissant... la minutie de l'auteur de Philippe Kerr. Le souci du détail. Hein, on peut lui faire confiance. Hein? Tout à fait. Et bien, voilà. Et que dire aussi, mais ça va mal. Hein? Pour Gunther, ça va tellement bien dans sa vie personnelle aussi. Hein? Ça va rarement bien, hein, je dirais. Mais il y a le goût de suicide aussi. Tout à fait. Il faut dire aussi que c'est un roman où... Là, sans trahir tous les détails, le monsieur Heydrich, c'est un lecteur d'Agatha Christie. Mais là, quasiment nommer le roman, est-ce que c'est vendre le punch? Non, mais on peut dire quand même qu'on a droit à un chambre close. Un mystère de chambre close. Ce qui est quand même la première fois. C'est dans la première fois que Philippe Kerr. Je dirais que. Je sais pas, je fais erreur, mais c'est pas un Philippe Kerr classique. Non. Généralement, les Philippe Kerr classiques, que l'histoire avec un grand H là est davantage présente. Là, on est dans un château. Ça se déroule véritablement donc dans les environs de Prague. On est à la campagne et on suit là l'enquête, mais de manière très très minutieuse là, dans ce château. Donc c'est un Philippe Kerr, je dirais, différent des autres, mais quand même intéressant. Un Philippe Kerr reste toujours un bon roman. Et c'est un homme de main de Heydrich qui est assassiné, puis on apprend qu'il est homosexuel. Ouais, ça joue, côté de la Gestapo, c'est ambigu, là, c'est très mal vu, hein. Oui, parce que déjà, mais c'est pas la première fois que ça arrive dans le gratin nazi, Röhm aussi. Ouais, Röhm, mais dès 1935, il y avait une purge là. Tout à fait. Et lui, va être exécuté donc dans la nuit de cristal, hein, je pense, ou au cours de la nuit de cristal. En 1935, il y a une espèce de purge, Röhm et compagnie c'est la S qui prend le pouvoir. C'est ça. Mais ça reste toujours très, très intéressant. C'est la culture, hein, les références, etc. Ouais. Je sais pas si je peux donner un exemple aussi, mais il y a de l'humour aussi en même temps. Ça a l'air très noir, tout ça. Évidemment, ça l'est aussi. Toujours, il va y avoir des blagues. Il y a des passages, j'en ai relevé deux, mais il y en a deux, trois, quatre. Il y en a évidemment plusieurs, mais un petit extrait pour vous donner aussi parfois le ton de... Bon, je vais citer. Tout ça est extrêmement sommaire, bien entendu, mais je dirais que votre bonhomme est mort depuis une journée au bas mot. Hein? C'est Bernie Gunther qui parle. Bien sûr, je peux me tromper, mais j'ai connu quantité de morts qui n'hésiteraient pas à me donner raison. Bon, ça, c'est le genre de Philippe Kerr, d'humour. Et un autre passage ici, je vais plus loin... Chaque fois, alors là, il y a un petit clin d'œil philosophique aussi. Ben, il y a la culture, la peinture, la musique qui est là-dedans. Hein? Chaque fois que, je cite, « Chaque fois qu'une femme me tient serré comme ça, c'est le meilleur argument qu'il y ait contre le solipsisme, selon lequel l'existence de notre esprit constitue notre seule certitude. Alors, il y en a, à la tonne de ce genre de petits clins d'œil. C'est que c'est un cynique, hein, quand même, Bernie Günther, et on peut le comprendre. On peut le comprendre parce que pendant 30 ans de sa vie, il est jeté dans des situations impossibles. Impossible, et j'ai l'impression que la seule manière de s'en sortir, s'il veut pas devenir fou ou s'il veut pas se suicider, parce qu'il pense très souvent au suicide, là, c'est cette espèce d'humour noir, hein, une espèce de détachement volontaire des choses. Il n'y a pas le choix. Il y a aussi qu'il réussit au final assez souvent, pas tout le temps, assez souvent quand même, de faire justice. Même quand la justice n'est pas de son bord, il va le faire. Il n'hésite pas de faire justice, ça fait qu'il y a aussi ça, là. Dans Frag Fatal, ça va être un peu difficile, hein, quand on va apprendre qui a le commis le meurtre, finalement. Ça va être assez difficile pour lui. On peut pas trahir les détails aussi. Moi, je laisserai un peu ce roman-là pour arriver un peu à l'œuvre en dehors de la série de Bernie Günther. Moi, j' ai lu Impact, qui était prévu pour un spécial Kennedy qu'on a fait autour du 50e malheureux anniversaire de sa mort. Et finalement, le livre n'était pas sorti au Québec. Je l'ai lu là les derniers jours et je vois des liens. Je vois des liens dans la mise en place. Okay. Et je comprends pourquoi il lâche pas Bernie Günther quand t'as mis tant de temps et de recherche à créer un personnage qui est crédible, qui fonctionne. Moi non plus, je le lâcherais plus parce que ici, ça lui réussit plus ou moins. C'est quoi cette histoire-là? On suit un tueur à gages qui est marié avec une jeune femme qui est dans des comités qui aident Kennedy à se faire élire. Et, on lui donne le contrat de tuer Fidel Castro. Ça, on parle des 150-175 premières pages, avec des rencontres avec la mafia et tout et tout. En tout cas, tout ça, c'est très, très long comme mise en place. Et un de ses collaborateurs de la mafia lui faire jouer une bande en disant « Écoute ça, Kennedy, le salaud, il se tape Marilyn Monroe. » Mais c'est pas la bonne bande. Et il ne se tape pas Marilyn Monroe, mais bien la femme de ce tueur à gages. Il reste relax, mais cette partie-là prend fin. On revient avec un policier frustré parce qu'on lui donne plus de cas, qui est en contact avec la mafia. Et là, on sait pas trop. Il est où mon personnage principal? J'avoue, j'étais un peu frustrée. J'étais là comme, voyons, il fait quoi, là? C'est quoi cette affaire? Il est où mon personnage? Je cherche. Ensuite, la mafia est toute énervée. Tout le monde s'en va dans tous les sens, mais on comprend pas trop où ça s'en va jusqu'à ce que le policier reçoit la demande de le trouver, ce personnage-là. Parce qu'on parle de l'idée que il aura tué sa femme. Ça, on l'a su. Et que là, il essaie de tuer Kennedy. Et à partir de là, il y a une nouvelle histoire qui commence. Okay. J'ai trouvé ça pas la meilleure manière de faire. Moi, j'avais lu Enquête philosophique aussi, où c'est un roman en dehors. Bernard Cotin, je l'ai laissé, je m'ennuyais trop, toi. Patrick, moi, tu l'as lu, Enquête philosophique. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu futuriste. On est en 2021, c'est je crois, à Londres. Là, un peu de science-fiction. Tout à fait, mais pas trop loin. Donc, c'est quand même assez crédible. Wittgenstein, le philosophe, joue un rôle là-dedans. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Ça fait que t'es dans une uchronie, là. Ouais, comme si Wittgenstein avait vécu. Ouais. Mais c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé, le roman assez audacieux. Moi, en tout cas, j'avais bien aimé, là. Mais j'en ai là un autre de Philippe Kerr qui est pas mal du tout, qui est La paix des dupes. Et dans La paix des dupes, il réécrit l'histoire. On est encore donc dans la Seconde Guerre mondiale. C'est la fameuse conférence de Téhéran, 43, qui a réuni Roosevelt, Churchill et Staline, c'est pas rien. Et là, il réécrit l'histoire parce qu'il y a un quatrième personnage qui arrive. Là, je peux pas vous vendre le punch. Vous allez le lire, c'est trop intéressant. Mais ce quatrième personnage-là, assez inattendu. Lui semble dire que c'est crédible parce qu'à la fin, il explique son choix. Okay. Il dit qu'il s'est passé plein de choses inexplicables. Donc, il invente une explication. Est-ce que c'est la bonne? On verra ça, là. Mais là, c'est crédible dans la mesure où il vivait à la même époque que ces personnages que tu viens de mentionner. Ça fait que c'est un personnage historique qui va apparaître. C'est pas la science-fiction, là. Parce que moi, je vais quand même revenir à Impact. J'y ai pensé, moi aussi. Impact où, effectivement, parce qu'il y a un revirement qui va faire que, bon, le chasseur qui devient le chassé, et il y a un revirement crossover à un moment donné où on s'en rend compte que ça s'en va vraiment complètement ailleurs ce qu'on pensait. Ça reste un bon roman. Du Philip Kerr restera toujours, même quand on est déçu, ça reste supérieur à bien des polars que j'ai lus et j'en ai lus. Moi, comme je dis souvent, une BMW bas de gamme reste une BMW, hein. Oui. Et puis c'est ça. Et Philip Kerr, on est donc. Ben toi et moi, on a lu Volker Kutscher, l'allemand, là, la série, tu sais, du personnage Gédéon Rauch. Je t'avais prêté des livres. Oui. C'était moins bien que Kerr. Oui, et c'est un Allemand, un prof d'histoire qui a écrit ça. Oui, tout à fait, absolument. Ouais. Savez-vous ce que Norbert Spener, spécialiste du polar, a dit des romans de Philip Kerr? Je le cite. Comparé à ses récits bouleversants, Millennium apparaît aujourd'hui comme du fast-food pour midinette. Ouais, tout à fait. Il exagère peut-être un petit peu, là. Oui, parce que Millennium, enfin, le premier tome reste intéressant sur les crimes économiques. Je trouve qu'on aurait intérêt à le relire encore, là, de Mais c'est jours, le là. Plus abouti aussi. Ouais. Des romans, faut pas oublier qu'il n'a pas pu retravailler les c'est deux ça. Derniers romans. Exactement. Ni le quatrième qu'on va voir. Ouais. Et rapidement, Philip Kerr est venu, je ne sais plus, c'est en 2011 ou 2012, à Québec même, faire une classe de maître. Il est venu s'adresser, aux écrivains de la relève ici. Okay. Là. C'était à l'automne 2011 ou 2012. Il est venu faire un tour. Wow. Bon. Oui, j'étais au courant. Bref, on l'aime bien, malgré qu'il y ait des hauts et des bas parfois. Et sur la page Facebook, on trouve les titres dont on a parlé. Je vais ajouter d'autres titres qu'on a soulignés. Gros merci à Patrick Dano. Ça fait plaisir. Tu reviens quand tu veux. Ben avec plaisir, n'importe quand. On revient bientôt. C'est KRL. Québec. Ici Steve Huot, co-ambassadeur de la troisième édition de l'événement Québec Danse qui est présenté du 22 au 29 avril. 25 activités, chacune plus colorées les unes que les autres, vous sont offertes dans la région. Des sites extérieurs inusités, tout comme des lieux de diffusion traditionnels, accueilleront des artistes et des enseignants qui sauront vous insuffler le goût de partager avec eux leur passion. Profitez-en pour rentrer dans la danse en participant à une classe d'initiation dans l'un des nombreux styles proposés. Trouvez la programmation complète sur culture-québec.qc.ca. Bienvenue à tous. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Partez à la découverte de l'univers de la bande dessinée, du manga, de l'animation, de l'illustration et du fanzine. La vie en BD, en compagnie de Raymond Poirier et son équipe, tous les vendredis dès 17h30. CKRL, votre porte d'entrée vers le 9e art. Cette émission vous est présentée par Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Maison Thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Emballez sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord. Berle Rank au microphone. Je suis avec Daniel Grenier. Très content que Salut, tu fasses partie de l'émission. Moi, j'ai lu deux petites nouvelles de toi. Tu es un auteur. Tu as lu une longue nouvelle de moi. Oui, à ce que je vois. Oui, j'ai lu une longue nouvelle. Ça faisait déjà, mais je ne savais pas que je te connaissais. Quand j'ai t'as présenté, je ne savais pas que c'est toi. Fait que t'es auteur. T'as écrit un recueil de nouvelles, malgré tout, Henri à Saint-Henri, que je n'ai pas lu, mais j'ai lu Les Mines Générales. Qui est une nouvelle reprise de malgré tout, Henri à Saint-Henri. OK, c'est dedans, parce que c'était vraiment le très beau projet Nova pour le 10e anniversaire du Cartanier. Et on avait fait un spécial comme Autour du Cœur On avait fait un spécial pour le Cartanier aussi, okay. comme ça, où on avait présenté ces nouvelles-là et un peu les auteurs. On a fait ça sans auteur. Okay. Et chroniqueurs qui ont dit plein de bonnes choses. Et tu as une nouvelle, et là j'apprends même deux, dans les deux derniers Moebius. Ouais. Moi, j'ai lu, et là, tu m'as raconté une anecdote, fait que je vérifie avant de dire une niaiserie, les maillotés dans le Moebius sur les phobies. Dans le Moebius sur les phobies. Parce que là, effectivement, il me revenait l'autre. Numéro 140. Et dans le 141, ils m'ont invité, Moebius fait un truc, il demande à un jeune écrivain d'écrire une lettre à un écrivain vivant. Et ils m'ont invité à faire la lettre dans le numéro mathématique piloté par Normand Baillargeon. J'ai choisi d'écrire à France d'Aigle. Qui pour moi, bon, France d'Aigle, c'est une grande écrivaine, une grande dame que j'ai découvert pas il y a pas si longtemps en fait, mais que j'ai presque tout lu maintenant. Puis bref, si vous voulez savoir ce que j'en pense, il faut acheter l'autre Moebius aussi. Mais là, tu t'es plus en mailloté mais en mitouflé. Ah exactement, ça c'est la. Ouais, c'est ça. Parce que là, j'étais plus sûr de moi. Mais ça brise un peu le punch. Ils ont mal retranscrit le titre de la nouvelle que j'avais publiée dans le numéro précédent, dans le numéro suivant, dans ma notice biographique. Ma nouvelle était devenue l'emmitouflée au lieu de l'emmailloté. C'est quand même si ça avait été à 12 numéros, mais en tout cas. Hashtag mieux vaut en rire. Oui, tout à fait. Toi, t'as fait deux lectures pour nous. Et avec quoi? Mais c'est-à-dire que j'avais envie pour cette première présence à l'émission, d'amener premièrement un coup de cœur très, très, très récent que j'ai lu il y a à peine deux semaines. Et au lieu de juste en parler comme ça, de le mettre en perspective, si tu veux, avec une autre sortie qui s'est faite à peu près en même temps et que je trouve qu'il y a des liens qu'on peut créer entre les deux univers. Mm-hmm. Évidemment, on n'est plus dans le Philip Kerr. Par contre, il y a encore des fusils, il y a beaucoup de violence. Je voulais te parler, Édouard Louis. Mm-hmm. Qui est une jeune sensation française de 21 ans qui a sorti son premier roman, en fait, qui s'appelle « En finir avec Eddie Bellegueule » au Seuil en janvier dernier. Et je voulais te parler aussi de Michael Delisle, « Le feu de mon père ». C'est son dernier livre, un récit autobiographique chez Boréal qui vient de sortir aussi. Donc, c'est sorti à peu près à un mois d'intervalle. Ouais. Et il y a des liens... c'est possible, en fait, de tisser une série de liens entre les deux univers dans la mesure où ce sont deux trucs très, très autobiographiques, pardon, qui racontent le rapport à l'enfance, le rapport problématique au père, à la famille et au fait de s'en sortir. Donc, rapidement, là, je te fais le parcours des deux livres. Édouard Louis, En finir avec Eddie Bellegueule, comme je te disais, c'est une véritable sensation. En ce moment, il dépasse le 100 000 copies vendues en France. Premier roman, ça a été tiré à un tirage, comme on dit, assez confidentiel au départ, hein, parce que le gars a 21 ans, c'est un truc qui est pas grand public du tout, mais ça a explosé. Pourquoi? Bon, évidemment, parce que c'est l'histoire de sa vie, finalement. Je l'ai entendu en entrevue. Il joue vraiment pas la carte de « c'est un roman, c'est de la fiction, nanana ». Non, non, c'est ma vie. Édouard Louis, je raconte ce qui m'est arrivé dans mon enfance. Mais écrit roman. Il écrit roman. C'est de ça que je veux parler avec toi ensuite. Les deux livres sont assez intéressants de ce point de vue-là. Bref, ça raconte la façon dont Édouard Louis, ou plutôt Eddie Bellegueule, le personnage, le protagoniste du roman, se fait évidemment intimider quand il est jeune à cause de son homosexualité dans un petit village de la Picardie. Donc on est dans les Français appellent ça le lumpen prolétariat. Les Allemands aussi. Oui, c'est ça, j'imagine. le prolétariat ouvrier du nord de la France et dans un petit village, donc la bigoterie, l'intolérance, le racisme, la violence quotidienne, la petite violence. Manque d'éducation. Et Édouard Louis raconte ça avec une lucidité là, et un détachement en même temps extrêmement prenant. Donc, c'est l'histoire de sa jeunesse jusqu'au moment où... À lui. Oui, mais c'est ça. Bon, encore une fois, c'est complexe au sens où... Il romance son histoire. Il dit lui-même qu'il n'a pas romancé. OK. Mais... Je ou un personnage? C'est je qui parle. C'est Eddie Bellegueule. Mais j'ai appris dernièrement qu'en fait, ça serait son vrai nom. Et que Édouard Louis est en fait le nom qu'il a choisi d'avoir, avec Édouard Bellegueule probablement. Les Bellegueules existent en Picardie. Donc évidemment, ça fait un scandale dans le village à Alencourt en Picardie en fait. La famille s'est sentie salie et tout. Ah, il est pas parti à Paris là. Oui, il est parti. Ça fait longtemps, mais le roman justement se termine au moment où il s'inscrit en théâtre, en fait, okay. dans un collège un peu éloigné et qui va enfin devenir pensionnaire. Donc, il part, il quitte son, son village. Michael DeLille, lui, raconte dans son très, très, très court récit, hein, c'est ouais. pas la même chose. Ouais, exact. Donc, on n'est pas dans un roman, ici, on est dans un récit, c'est un jeu qui parle, mais on sait que c'est Michael DeLille, dans la mesure où il y a plusieurs moments où il va dire, par exemple, quand je me suis marié avec Lise Tremblay, la romancière saguenéenne. Et effectivement, Michael DeLille a été marié avec Michael DeLille, pardon. Michael, oui, c'est ça. On est en manque de tréma. Il faut inviter Michael pour qu'il nous explique qu'il nous explique ça. Lui, il raconte, en fait, l'enfance avec le père. La mm-hmm. figure du père, évidemment, ça le dit dans le titre, le feu de mon père, que DeLille relie métaphoriquement à l'arme à feu. Donc c'est la façon dont les petits malfrats, les petits bandits de Ville-Jacques-Cartier mm-hmm. à Longueuil à l'époque appelaient leur arme à feu. Ils disaient soit ça ou mon morceau aussi. As-tu ton feu? J'ai oublié mon feu, j'ai laissé mon feu dans la boîte à gants. Donc le feu de mon père, c'est son arme à feu, okay. c'est évidemment le feu de la passion, le feu qui brûle, bon et tout. Michael DeLille écrit un récit autobiographique extrêmement poétique, au sens où ici, c'est pas tant la fuite du milieu que la naissance d'un écrivain. OK. Comment je vais me servir, on s'entend la naissance a posteriori, hein, c'est-à-dire que je mm-hmm. reviens sur mon enfance pour me rendre compte que ces expériences-là ont servi mon rapport à la poésie mm-hmm. Et mon rapport à la vie, à la mort, à la souffrance et ce genre de choses-là. Donc, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est le rapport extrêmement problématique avec la fiction, la réalité, dans tout ça, tu sais. Ouais. Parce que, en tout cas, moi aussi, j'ai beaucoup de mal avec ça j'ai posé souvent cette question aussi en entrevue. Bon, le récit, je comprends très bien. Là, c'est ouvertement autobiographique. Mm-hmm. Et comme Hélène Dorion me l'a dit en entrevue, pour son dernier récit, a dit « Je ne voulais pas jouer le jeu de l'autofiction. Ouais. Je voulais que ça soit entier, que ça soit moi. » Elle ne s'est pas cachée. Tandis que le roman, on pense surtout au Québec, où là, c'était vraiment assez marqué, Marie-Cécile Labrèche. C'est vrai, roman. Des autofictions. Ouais, ouais, ouais. Et elle, c'était toujours des romans. Et on sait qu'elle parle d'elle. Mais tu sais, dans le monde anglo-saxon, ils ont le terme « mémoire ». Ouais. Ils ont beaucoup moins de difficultés dans le monde anglo-saxon. Ouais. Aux États-Unis et en Angleterre, à ne pas faire croire finalement qu'on écrit un roman. C'est-à-dire qu'on va, on va même quelqu'un de très jeune, mémoire là, c'est pas quelqu'un qui a 85 ans qui revient sur sa vie. Écrire un mémoire, c'est d'écrire une expérience particulièrement intéressante finalement personnel. Que tu penses personnelle, que tu crois capable d'intéresser les autres. Donc Dave Eggers avait écrit un superbe mémoire à l'âge d'à peu près 25 ans qui mm-hmm. racontait la mort de ses deux parents du cancer en l'espace de 6 mois. Mm-hmm. Il se retrouvait seul avec son petit frère puis il devait l'élever. Ça, c'est un mémoire. Mm-hmm. Mais il y a plein d'éléments de fiction mm-hmm. dans ça parce qu'évidemment, on transforme par la littérature. Mm-hmm. Là, ce qui est intéressant avec Édouard Louis, c'est cette mention générique qui oblige le lecteur, effectivement, à lire le livre autrement que comme une pure autobiographie. Donc moi, je me retrouve avec le problème, la contradiction du fait que je trouve que c'est un document très intéressant, mm-hmm. très profond sur la violence quotidienne, sur l'intimidation, sur la difficulté de vivre, par exemple, son homosexualité dans un petit village fermé sur lui-même. Mais, en tant que littéraire, je trouve que c'est un assez mauvais roman, tu sais. Ah, d'un okay, point de vue littéraire, c'est un assez mauvais roman. Tandis que le Michael DeLille... Mais là, Michael DeLille, on écrit un récit, ouais. et tout à coup, la seule chose qui est importante dans un récit autobiographique pour le lecteur littéraire que je suis, c'est l'écriture ouais. absolument magnifique, mais absolument magnifique. C'est d'un bout à l'autre du feu de mon père. J'avais jamais lu Michael DeLille. Moi, je suis renversé par la puissance de ces images, parce que ce qu'il fait, c'est qu'il réussit à... Il construit sa narration comme ça en petits tableaux okay. qui sont basés sur des éléments de poésie. Par exemple, il va expliquer d'où lui vient le rythme, uh-huh. d'où lui vient l'idée, le principe de répétition, par mm-hmm. exemple. Là, il explique l'anecdote. Quand il était jeune, et ça commence comme ça, hein, je vous mets ça tout de suite là. Ça commence rough, le livre. Là, il raconte que quand il était encore un poupon, une anecdote qui circule beaucoup dans sa famille. Sa mère était revenue saoule d'un bar. Son père, extrêmement fâché, extrêmement jaloux, violent, s'en va chercher un 12 dans le grenier en disant « Je vais te tuer, ma maudite. » Il redescend et, réflexe de la mère, elle attrape le poupon et elle le place devant elle. Oh, Seigneur. Et okay. Michael DeLille dit « Il est exactement 11h15. » À ce moment-là, il est pas 11h, il est pas minuit, il est 11h15. J'ai pleuré pendant un an toutes les nuits à 11h15. C'est comme ça que j'ai appris le rythme. Tu sais, c'est comme ça que la poésie entre en moi, si on veut. Ça fait que lui, il fait le lien tout de suite avec sa démarche littéraire en même temps. Tandis que Édouard Louis, est-ce qu'il y a une démarche littéraire? C'est difficile à dire parce que les deux sont comme à des positions opposées, c'est-à-dire que Michael DeLille écrit à peu près son 10e livre, donc il y a un grand il dit dans le livre j'aurais jamais pu écrire ça à 20 ans, ouais. Et Édouard Louis écrit ce livre là en premier, mm-hmm. C'est son entrée en littérature, donc on se demande vraiment s'il va devenir un romancier. Ah oui, à ce point-là tu ne sais pas, l'impression que tout est dit. C'est-à-dire que tout est dit, sur sa vie, ça c'est sûr. Est-ce qu'il a une plume de romancier maintenant? C'est ce qu'on va découvrir. Mais encore une fois, un autre problème de son livre, rapidement, c'est que c'est un jeune étudiant en sociologie et on sent évidemment le jupon de l'essayiste qui dépasse par moments. Malgré le fait que j'ai l'air de pas avoir aimé ça, mais c'est pas vrai. C'est une lecture extrêmement... Il a dit que c'était un coup de cœur au début. Non, c'était le DeLille, c'est mon coup de cœur absolu. Ouais. J'avais mal compris, une chose mais, qu'on mais revient. Si vous voulez quelque chose de coup de poing, là, le Eddie Bellegueule vaut la peine aussi, parce que c'est un récit de vie qui est très, très prenant, sans aucun doute. Là. Qui est bien construit aussi. Déjà, d'être dans un petit village homosexuel puis s'appeler Bellegueule, ça aide pas bien à... Non, ça commence avec un crachat dans le visage, puis il ne doit pas réagir. Il s'appelait Bellegueule, ça ne doit pas être un cadeau non plus. Là. Mais ça, quand tu ne sais pas que c'est son vrai nom, tu te demandes justement, c'est bizarre parce que ça devient comme le seul élément de fiction dans son livre. Il se fait dire que son nom est bizarre, que son nom est gay, mais en fait, si tu dis « il s'appelait Louis », dans la vraie vie, ça devient comme étrange, comme effet de lecture, vous comprenez? Donc, son nom était normal dans la vraie vie. Mais non, en fait, finalement, il s'appelle Bellegueule pour vrai. Ça fait que toi, là, t'as aimé Édouard Louis en finir avec Eddie Bellegueule, mais t'as adoré Michael DeLille. Il faut absolument, absolument lire Le Feu de mon père. D'après moi, c'est un grand petit livre, parce que c'est 144 pages, je l'ai relu ce matin, en fait, avant de... Vivre les journées de congé. Voilà, c'est ça. Donc, je l'ai relu en me disant, tiens, ça va être frais dans ma mémoire. Fait que ça se lit vraiment en un clin d'œil, mais c'est à relire et à relire parce qu'on découvre une profondeur dans la prose, une profondeur dans le rapport à la poésie, puis le rapport à la violence qui est très fécond. Ouais. Merci. Ça me fait plaisir. Merci, Daniel. Demain hiver, je m'en fous. Je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer. Et je penserai à vous en plantant mes orteils dans le sable doux. Je vous laisse. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver chanté par les charrues. Je vous laisse mon scraper, le appel de bois pour vous rendre à la rue. Je vous laisse la petite glace dans l'escalier tournant qui vous fera tomber sur. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous. Je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer. Et je penserai à vous en priant le soleil dans l'eau à genoux. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord, toujours Barbe Branco au microphone avec Gilles Chomel. Comment qui, la neige est encore en partie dans les rues, tu nous reviens avec l'hiver, franchement. Ben, c'est surtout à cause du hockey. Phew. Parce okay, qu'on échappe est, au moins on, à l'hiver. On est en série finale de hockey, n'est-ce pas, là? Oui, c'est un... Ah oui? nous, le hockey n'a rien à voir avec ça. L'hiver. Avec l'argent, ben, le cash. Oui, mais avec l'hiver aussi. Hein. Ça commence au mois de septembre, ça finit au mois de juin. Ah, des fois avant. Hein? Non, ça finit pas avant. Ça finit ben, pour le Québec, souvent, ça finit avant. Oui, oui, oui. Ça risque de pas être casse-partée cette année. Mais bon. Alors, c'est la réédition d'un livre qui est paru en 1987 de Marc Robitaille, qui est un gars de Notre-Dame-de-Grâce, ici, à côté de Saint-Roch, là. Mm-hmm. Qui a probablement mon âge, parce que c'est le livre que si j'avais écrit, j'aurais écrit exactement dans les mêmes termes, avec les mêmes mots, avec les mêmes parties de hockey dans la rue. Des okay. parties de hockey bottines. Et puis, il y a une seule partie de hockey qui se déroule sur une patinoire et ça va pas trop bien pour le petit héros parce qu'il sait pas patiner. OK. Et puis, il compte un but, mais c'est pas de sa faute. C'est parce que ça a ricoché sur le hockey du joueur de défense. C'est rentré dans le but. Puis là, le père du joueur de défense en question l'a traité de gnochon, de cave. Puis là, tout le monde s'est tué. Lui, il s'est rendu compte qu'il était l'air clair. Mais c'est tout le long, comme ça, c'est l'histoire du petit gars qui, dans sa tête, là, il nous raconte comment ça se passait entre 1960 et 67, avant qu'il y ait, pendant qu'il y avait 6 hockey dans la Ligue nationale de hockey, là, OK? Dans la Ligue nationale de hockey. On faisait des snapshots, pas des slapshots. Alors, c'est. Ah, c'est de l'anglais, comme, oui, c'est comme. C'est on, senti. C'est exactement comme on parlait quand on était petit, puis qu'on on jouait dans la rue, on se prenait des. On se disait. Tu connais le truc, tu mets des hockey par terre, puis tu choisis des bâtons sans savoir à qui ils sont. Et ça a commencé. C'est du Mikado, hein, que ça s'appelle, cette rendu-là. Et il y a des trucs très. Parce que ça raconte. À travers les mononcles, à travers les frères et les sœurs, à travers les jeunes qui jouent au hockey, le grand Pete, Louis Blais qui est à poche, mais que sa sœur a joué à elle l'autre gardien de but, puis elle était bonne. Puis c'est la seule fille d'ailleurs qu'on retrouve dans le livre. Marc Robitaille, c'est un maniaque de sport, de baseball et de hockey. C'est lui qui a écrit aussi Un été sans point ni coup sûr, qui est devenu un film. Oui. Et il fait aussi la scénarisation. Avec des histoires d'hiver, ils ont fait aussi un film dans lequel ils rajoutent une histoire d'amour avec le petit gars. Ça prend ça pour que les mamans y vont, là. J'imagine. Mais dans la vraie vie, des histoires d'hiver avec cette réédition-là qui s'appelle « Avec encore plus de rues, d'écoles et de hockey », parce que le titre original, c'était avec des rues, des écoles et du hockey. Là, s'il y a encore plus... C'est la réédition, finalement, ce que ça nous donne, c'est plein d'images d'époque. OK, c'est pas une édition augmentée de texte, c'est augmentée d'images. C'est et de texte et d'images. En fait, il y a okay. des chapitres qui dit qu'il est enlevé, je sais pas lesquels. Ceux qui ont rajouté, pour l'avoir lu, ça m'a pas paru significatif. Ce qui l'est vraiment, c'est les illustrations. La revue Sport Revue, le magazine sportif des Canadiens français, ils sont en désaccord au sujet de Doug Harvey. Et puis là, tu as une photo sur laquelle tu montais les joueurs du Canadien de l'époque. Et ils racontent évidemment toutes les anecdotes que se faisaient les joueurs de hockey dans le... Comme de se mettre de la... Tu sais, pour entretenir l'esprit d'équipe, de mettre le feu dans les bagages du voisin. Oh, ça a l'air sympathique. Il paraît que c'était ouais. Et l'action se déroule du mois de septembre, au moment où tu t'es obligé de rentrer à l'école, puis que là, il pogne une maîtresse poche, la plus poche de la gang, qui enlève finalement à la fin de l'année toutes ses cartes de hockey qui a réussi à se ramasser de peine et de misère avec des échanges avec les chums puis tout. Et ça se finit au mois de mai avec la fin de la saison de hockey et les Canadiens qui perdent, qui se rendent pas en finale, comme on est habitué depuis à peu près, depuis 1993 minimum. Mais c'était quand même la grande époque des Canadiens où il y avait Maurice Richard, Jean Béliveau, Henri son frère, et puis avec un maximum de joueurs francophones quand même, parce que dans ce temps-là, dans le temps des 6 équipes, les Canadiens avaient le choix des premiers joueurs francophones. Autrement dit. Parce que c'était une équipe. Oui, c'était une équipe francophone. C'est fou de même. Et puis, d'ailleurs, c'était créé, cette équipe-là, en 1918 ou 19, pour regrouper des francophones qui étaient les premiers joueurs de hockey francophones. Ils sont appelés les Canadiens, mais il y avait les Maroons de Montréal également. Il y avait beaucoup d'équipes anglophones et même des équipes féminines à l'époque anglophones aussi. Et bref, si vous voulez avoir un cours de sociologie des années 60 sur le hockey à Québec, comment ça se pratiquait dans les rues avec les ticus qui vivaient là, comment ça se passait à l'école aussi avec les taloches en arrière de la tête, parce que avec les profs qui étaient... C'était la pédagogie de l'époque. Oui, c'est ça. Et puis, la honte suprême, c'est d'avoir en cadeau un gilet des Toronto quand tu joues à Québec ou à Montréal, mais quand tu es au Québec, d'avoir un gilet des Toronto, c'est... T'es sûr que tu vas être victime de ségrégation hockéenne jusqu'à la fin de tes jours. Ils vont tous rire de toi, dire tu arrives sur la patinoire, ils vont pas te faire de passe. C'est certain parce que t'as pas le bon gilet. Regarde, c'est... avec un T-shirt du Canadien. Non, avec leur propre T-shirt. Voilà. Alors, des histoires d'hiver avec encore plus de rues, de hockey, d'école. Non, ça vaut la peine. C'est les séries finales, là. Si vous voulez vous amuser avec l'histoire des Canadiens. OK, c'est la lecture des séries. Oui, c'est la lecture des séries. C'est pour ça que je voulais te présenter aujourd'hui. Peut-être que la semaine prochaine, il va être trop tard. Peut-être que les Canadiens vont être... Il faut le lire tout de suite. Merci beaucoup, Gilles. De retour à l'émission Les bouquins d'abord. Barbe Reinke qui va elle-même proposer une lecture. Et comme Daniel, j'ai relu vite un petit livre ce matin. C'est une traduction de l'allemand et on souligne que c'est de l'autrichien. Parce qu'effectivement, l'allemand et l'autrichien, il y a des grandes différences. C'est le livre d'une jeune... Elle a 34 ans, Milena Michiko-Flazar. Le père est autrichien, probablement descendance hongroise avec son nom Flazar et Michiko. La mère est japonaise. Et c'est un roman japonais. C'est un troisième roman. Ça s'appelle « Je l'appelais Cravate », qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est resté enfermé 2 ans chez lui, enfermé, et qui, à un moment donné, n'est plus capable, qui va sortir, s'asseoir sur un banc dans un parc, et qui va faire connaissance avec un monsieur plus âgé qui arrive là avec sa cravate, avec son bento, avec le lunch là-dedans que sa femme lui fait à tous les jours. Et tous les deux portent très lourd une honte. Et pour moi, c'était vraiment un roman très japonais, cette honte, à quel point ça les attaque dans leur intégrité. Le jeune homme, je pense qu'il s'appelait Kamato, lui, c'est le rapport avec un ami qui va mourir dans un accident. Et il se sent coupable en partie de ça. Et le monsieur âgé, lui, il a perdu sa job. Il est devenu fatigué. On s'en rend compte que c'est une société, évidemment, on le sait, ils travaillent comme des fous. Et il va... il s'endort sur la job. Il est juste plus capable de fournir, de ne jamais faire de vacances, de jamais prendre ses pauses. Et tout ça, même en traduction, c'est tellement bien écrit, c'est beau, c'est des courts chapitres, hein, 104 chapitres sur, 160 pages. Est-ce que c'est traduit au Québec? Est-ce que je vois, c'est publié chez XYZ? XYZ, je sais pas, c'est Olivier Manoni Est-ce que c'est un Québécois? Rien, moi non plus, ça me dit rien. Mais c'est vraiment super bien traduit. Et moi, j'avais pas du tout l'impression de lire un roman qui arrive de l'allemand. Souvent, quand je lis des traductions de l'allemand, je pourrais te le retraduire à fur et à mesure. Ici, je ne peux pas le faire. C'est vraiment, d'après moi aussi, en autrichien, d'une très grande poésie. Et elle, c'est son troisième roman. Hein? Elle n'a pas écrit de poésie. La manière comment elle présente, j'avais l'impression qu'elle aurait pu écrire de la poésie aussi. C'est peut-être le cas et elle ne la publie pas. Un peu comme Delisle, finalement. Oui, ou comme Hélène Dorion dans ses récits. Ou il y a certains auteurs comme ça qui sont toujours sur la ligne fine. Louise Dupré qui le fait. J'ai la réponse à votre question. Ça n'a pas été traduit par, de toute évidence, je pense. C'est une traduction française, enfin, ça nous vient des éditions de l'Olivier. OK, 2013. C'est repris par XYZ. Okay. Pour le marché canadien. En tout cas, c'est vraiment c'est vraiment un petit livre que j'ai lu à l'automne quand c'est sorti. Et ça s'insérait pas tout le temps. Et là, aujourd'hui, j'avais l'impression, Daniel, avec les livres que tu proposais, que ça pouvait avoir sa place parce que Delisle, je savais qu'il y avait une écriture très, très travaillée. Et ici aussi, on parle d'une écriture très travaillée, une structure forte. Je l'ai pas vu passer en librairie, en tout cas. Et ce livre-là, écoute, c'est un livre qui s'en va vers l'espoir. Ces deux hommes-là vont développer une amitié qui n'a rien de commun dans un pays où les rapports privés sont extrêmement privés. Et là, tout ça se joue dans un lieu public. Juste là, on est déjà dans quelque chose d'assez extraordinaire. Ça m'a travaillé très longtemps, ce livre-là. Et quand je l'ai relu aujourd'hui, je l'ai relu très vite parce que, finalement, j'avais encore bien des choses en mémoire. Mm-hmm. Et je trouvais vraiment... Ça reste vraiment particulier que ça nous arrive de l'allemand. C'est ça, là. Fait que, absolument à lire, je l'appelais Cravate de Milena Michiko Flazard chez XYZ. J'ai des... Putain, ça arrive pas tout le temps, quand même. Petites actualité de la semaine. Il y a un double lancement à la galerie Morgan Bridge jeudi à 17h. C'est le lancement de La quiétude des atomes de Charles-Frédéric Ouellet et Lutte de Nicolas Lévesque. Nicolas Lévesque, on l'avait reçu ici à l'émission avec Charles Sagalan de la maison d'édition La Peuplade pour le 10e anniversaire de La Peuplade, mais aussi pour parler, et ça, on l'a finalement jamais fait, on a parlé de La Peuplade, on a parlé de toutes sortes d'affaires, mais on n'a jamais parlé de son livre de photos sur la lutte. Et c'est vraiment un très beau livre. Ça vaut la peine, ça fait que c'est public, jeudi, 17h, à la galerie Morgan Bridge sur la rue du Pont. Il y a une action tout le long du mois d'avril, libérer les livres à Limoilou. Vous avez lu un livre, oui. Vous voulez pas le garder, libérez-les. Si vous avez pas les petits autocollants, mettez un post-it dessus que c'est un livre libéré, que qui le trouve peut partir avec. Où on prend ça, les autocollants? À la bibliothèque, je sais que la boutique 721, ici sur la 3e avenue, on en a aussi. Mais okay. Toutes les bibliothèques en ont. Okay. Gros merci à Patrick Dano qui est venu nous parler de Philippe Kerr avec René Bolduc. Merci beaucoup. Magnifique première intervention, Daniel Grenier. Merci beaucoup. Merci à toi. Hein? Gilles Chomel, c'était la dernière sur l'hiver, s'il vous plaît. Après, on parle d'été, de musique, de... Hein, j'ai... Oui, mais... Mais j'ai adoré ça. Chéri. Oui, bon. je sais. Okay. Mais c'est l'hiver là, qui me pèse. Gros merci à Gerrit Dauger à la mise en onde. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission de chronique, comme ça s'aligne là. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Cette émission était une présentation de Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Emballés sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. En avril, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Le 6 avril, le programme Kino Québec. Le 16 avril, les aventuriers voyageurs, la Grèce.